Huh. Ouais. C'est du haut. Huh. Luxen. Ah. Ouais. Oh. Olzico. Ah. Sultan. Akai. Ouais. Et yo, claque tes doigts. Hop la rodka au bento. Tu fais ton stock, ma. Mais plus c'est grand et plus ça tombe de haut. Oh. Index, c'est pas n'importe où. Derrière les beaux sourires, toujours une idée, la banane coco. Sur ton œil, y'a cocard spectaculaire. J't'ai vu claquer ton RMI sur les boulevards circulaires. M'en battle pas les choses simples. Tu sors du poste, de la goutte d'or noyée dans une bouteille d'absinthe. Ah, tu fabules. Des rappeurs qui braquent, mais qui ne tapent que du thon à l'huile. Tu vas payer cash et plein pot. De tomber en cloque d'un multi-récide vide, pas de peau. Accro, pulsion frénétique. Croise une ex, balle atomique, quasi squelettique. Je t'invite à balancer ton seum. Mais c'est soit tu craches ton venin, soit tu fermes ta grande gueule. Rien à prouver, on est trois, c'est ce que t'as vu. Nos textes sont écoutés, lui approuvés par la rue. Par la rue. Va dire à trop d'MC d'enlever leur façade. Le rap est de Paname et la mentalité de Bagdad. Rien à prouver, on est trois, c'est ce que t'as vu. Nos textes sont écoutés, lui approuvés par la rue. Par la rue. Va dire à trop d'MC d'enlever leur façade. Le rap est de Paname et la mentalité. Usine à lyrics, zéro défaut de fabrique. Mode haut débit, enchaînement automatique. Rien que je débite, fais baver le pic. Fuck vos techniques de marketing. Album pisté par les flics à la hauteur. Toujours bête de moteur. Rectifie les clichés comme le bruit et l'odeur. C'est tout bon, fais kiffer quand t'appuies sur le bouton. Le rap se barre en vrille, viens resserrer les boulons. Taf à la chef, envoie la sauce que je prépare la dose. Et les rivaux ont la haine en face vénère. M'adapte sur tout style de beat selon les demandes. Je ralentis ou j'accélère. Chaque phase est conçue dans le but de choquer. Ne me secoue pas, le fusil brise de sauter. Filtre, certaines rimes sont mises de côté. Le produit est enfin prêt à être exporté. Rien à prouver, on est trois, c'est ce que t'as vu. Nos textes sont écoutés, lui approuvés par la rue. Va dire à trop d'MC d'enlever leur façade. Le rap est de Paname et la mentalité de Bagdad. Rien à prouver, on est trois, c'est ce que t'as vu. Nos textes sont écoutés, lui approuvés par la rue. Va dire à trop d'MC d'enlever leur façade. Le rap est de Paname et la mentalité de Bagdad. J'tape une impro, le son cogne dans mon Walkman. J'parle de cash, ton dox qui gobe à la Pac-Man. C'est rempli d'arnaques. Et si tu parles mal, tu vas prendre des patates. Même si t'es le pote à Batman. T'as carpéra comme nous, avec un flash de sky. Si t'as une calache dans la bouche, ça se ressent dans les freestyles. La rue m'a pris de vitesse, j'suis un révolutionnaire. La plus grande des tristesses, c'est qu'on fait pleurer nos mères. Quand le jab nous drague, des fois les nerfs lâchent. La bien j'rachète, faut changer l'airbag. L'ancienne école comme Diabus, dans ma tête c'est Bagdad. Et j'me pose comme un Airbus, j'te dis j'ai pas le time. Rien à prouver, on est trois, c'est ce que t'as vu. Nos textes sont écoutés, lui approuvés par la rue. Va dire à trop d'MC d'enlever leur façade. Le rap est de Paname et la mentalité de Bagdad. Rien à prouver, on est trois, c'est ce que t'as vu. Nos textes sont écoutés, lui approuvés par la rue. Va dire à trop d'MC d'enlever leur façade. Le rap est de Paname et la mentalité de Bagdad. Ce sont des blocs, des tours et des bars. Souvent dehors, quand ton père se lève, t'as fait d'elfe bar. On vient des bâtiments HLM, j'te le rappelle. Alhamdoulilah, y'a les frères qui font le rappel. Quand t'es béton, on n'a rien pu faire, même ton baveux. Normal, tu traînes avec des putes qui passent aux aveux. On va pas se laisser faire chier, on va réfléchir à ça. Rien à foutre de la Marianne, on préfère chier à ça. Kidnapping comme bouche, braquage, rien des calèchnous, j'embrouille droit dans la bouche, putain, c'est le son des bouche. C'est pour les vrais comme MAD, prêt à s'investir ou investir, Inch'Allah, coupette pour d'ici on se tire.